Les éditions de l'Amnéa présentent les résumés des aventures de Perry Rodden, tels que rédigés par Michel Van Rue. Cycle 3, les Biopozis. Le fascicule allemand numéro 110, sur les traces des Antilles, écrit par William Woltz en 1963, fut adapté en première partie du volume français numéro 48, Opération Ocal, paru chez Fleuve Noir en 1980. Sur la Terre, Henry Mulvaney est rendu fou par le manque de liquide. Il s'introduit chez son voisin pour voler ses réserves, mais l'homme s'est suicidé après avoir épuisé son stock. À la tête d'un groupe, il veut ensuite attaquer une boutique de spiritueux, mais elle se révèle vide. Il éprouve du remords après avoir assommé un policier manchot qui cherchait à l'arrêter. Son état empirant, il est finalement conduit dans un asile psychiatrique. La situation est catastrophique sur toute la planète, où il existe plus de 200 millions de drogués aux liquides. Des émeutes ont lieu partout. Des gens désespérés tentent de se procurer leurs drogues. Perry Rodden convoque les gouverneurs de plusieurs colonies et finit par annoncer la remise en vente libre du liquide pour éviter les morts. Sur l'Epso, des soldats, fouillant la planète, tombent sur un astromédecin ayant travaillé pour les Antilles. Avant de mourir, il révèle que le liquide trouve son origine sur la planète Ocal, dont il fournit les coordonnées. L'interrogatoire des Aras capturés sur l'Epso indique aussi que Thomas Cardiff Edmund Hager est bien l'inventeur du liquide. En avril 2103, le duc de Fer part pour les coordonnées fournies, emportant des commandos armés de carabines automatiques afin de percer les écrans protecteurs des Antilles. Mais, arrivé sur place, il ne trouve rien. Après des recherches infructueuses, Perry Rodden décide d'abandonner. C'est à ce moment que les détecteurs de structures réagissent. Le croiseur terrien se rend à l'origine de la transition et découvre enfin Ocal. Il ignore que le choc est celui du vaisseau d'un franc-passeur chargé à fond de liquide. Le duc de fer expulse des soldats et des combats s'engagent dans la ville des Antilles. Un prisonnier leur révèle que le liquide trouve son origine dans les sécrétions d'une sorte de chenille, les Perse-boue. Cardiff et les principaux Antilles réussissent à prendre la fuite à bord d'un sous-marin. Le fascicule allemand numéro 111, Sous faux pavillon, écrit par Clark Dalton en 1963, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 48, Opération Ocal, paru chez Fleuve Noir en 1980. Sur Terre, John Rangel fête son départ de Floride. Il doit embarquer à bord du Ralph Thorsten. Lors de la réception, un ami, en état de manque de liquide, à une crise. Heureusement, un autre invité dispose encore de réserves et accepte d'en vendre à Rangel, qui calme ainsi son ami. Rangel embarque sur la frégate, qui rallie ensuite Ocal, accompagné d'un cargo. Ils emmènent 20 submersibles qu'ils sont allés chercher dans un musée. Les sous-marins quadrillent le fond des océans à la recherche des Antilles et de Thomas Cardiff. Pendant ce temps, une équipe de scientifiques s'attelle au persbou pour trouver un antidote. Ils déterminent que la sécrétion, jusqu'à la découverte, a un effet rajeunissant, mais ne peut en aucun cas créer une accoutumance. Ils finissent par découvrir que le principe provoquant l'accoutumance provient des ferments gastriques des persbou. Sur Terre, le chaos s'installe, le gouvernement ayant confisqué des réserves privées de liquitives pour mieux les distribuer. Rodden pose un ultimatum aux Antilles, sinon il fait sauter la planète. Dans leur forteresse sous-marine, l'Antille Rabol propose de livrer à Rodden le nom de trois planètes où existe du liquitive en quantité pour les laisser filer. Le Stellark accepte, mais à condition qu'on lui livre Thomas Cardiff. Ce dernier a toutefois un plan. Peu après, il appelle les Terriens, disant vouloir voir Rodden seul à seul et fait appel à ses sentiments paternels. Rodden accepte, mais quand il rencontre Cardiff, il est capturé. Le plan du félon consiste à prendre la place de son père. Tout le schéma mental du Stellark est implanté dans l'esprit de Cardiff, voilant son véritable ego, le rendant indécelable par les télépathes. Sur Rocal, le faux Perry Rodden appelle le Duc de Fer. Il est libéré, alors que les Antilles peuvent fuir à bord d'un cargo franc-passeur, emportant, à l'insu de tous, le véritable Stellark. Cardiff Rodden remet la formule d'un antidote. 27 jours plus tard, la litive, annulant les effets du liquitive, est lancée en masse sur le marché. Le fascicule allemand numéro 112, L'homme aux deux visages, écrit par Kurt Brand en 1963, fut adapté en première partie du volume français numéro 49, L'homme aux deux visages, paru chez Fleuve Noir en 1980. Depuis son retour de Cal, Perry Rodden a changé. Il semble être devenu un étranger. Il n'a plus d'humour et prend des décisions inexplicables, comme d'accepter l'installation de comptoirs francs-passeurs supplémentaires. Personne ne se doute qu'il s'agit en vérité de Thomas Cardiff, dont l'ego est protégé par le schéma mental du véritable Rodden. Son comportement intrigue et enrage ses proches collaborateurs, dont Reginald Bull et Alan D. Merchant. Cardiff Rodden reçoit un arconide qui lui transmet un message de l'anti-Rabol. Celui-ci veut 20 activateurs cellulaires. Cardiff Rodden refuse. Peu après, il annonce son intention de se rendre dans la base des francs-passeurs installée sur Pluton. Bull apprend que Cardiff Rodden a obtenu, du cerveau P de Vénus, les coordonnées de Délos. Le Duc de Fer arrive sur Pluton et Cardiff Rodden s'y rend seul. Il rencontre un émissaire des Antilles. Fermeloid détecte ses ondes cérébrales et, aussitôt, l'alerte est déclenchée. Quand les forces terriennes arrivent sur place, ils trouvent l'Anti mort. Cardiff Rodden fait croire à un acte d'autodéfense. Cardiff Rodden part pour Délos à bord de la corvette D-109, emportant Stana Nolinov et Brazo Alker. Sur la planète, Cardiff Rodden réclame 21 activateurs cellulaires pouvant s'ajuster automatiquement sur la fréquence biologique de leur porteur, et l'immortel accepte. Cardiff en garde un pour lui, ignorant que l'être collectif l'a réglé sur la fréquence biologique du véritable Perry Rodden. Les 20 autres sont enfermés dans un champ temporel que seul Cardiff Rodden peut ouvrir. En quittant Délos, la corvette D-109 est rattrapée par une nef des francs-passeurs et arraisonnée. Alker a eu, toutefois, le temps d'ouvrir le feu et d'endommager ses blocs propulsion. Un SOS a aussi pu être émis. Cardiff Rodden est confronté à Rabol, qui exige les activateurs cellulaires. Sinon, il révélera sa véritable identité. Nolinov et Anker sont amenés par des robots, malgré une tentative d'évasion. Quand le duc de fer s'approche, Cardiff Rodden se voit contraint de livrer des activateurs aux Antilles. Il regagne ensuite la nef amirale avec la D-109 et ordonne tout de suite d'attaquer le vaisseau des Antilles. Celui-ci parvient toutefois à prendre la fuite. Cardiff Rodden accuse Nolinov et Iker de trahison, affirmant que ce sont eux qui ont révélé aux Antilles le but de la corvette. Il exige que la défense solaire retrouve le vaisseau en fuite. Le fascicule allemand numéro 113, La fleur merveilleuse du Tic, écrit par Kurt Mahr en 1963, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 49, L'homme aux deux visages, paru chez Fleuve Noir en 1980. Le grand prêtre de Baalol, Kalal, arrive sur la planète Utik. C'est un des Antilles à qui le grand Baalol, maître suprême des Antilles, a remis un activateur cellulaire. Il est suivi par une foule extatique, persuadée de voir à sa place une fleur merveilleuse. Il lui arrive d'entendre un rire énorme, sans en connaître l'origine. Il ignore que l'immortel s'amuse à ses dépens. Sur la planète se trouve Mitch Hannigan, un robot humanoïde, chargé par la section 3 de surveiller les Antilles. Il détecte l'influx mental inhabituel et le suit. L'inconnu se trouve maintenant dans le temple de Baalol. D'autres agents de la section 3 arrivent à leur tour sur Utik. Ron Landry, Larry Rundle et Lofty Patterson. Landry et Hannigan se dirigent vers le temple, assiégés par une foule fascinée par la fleur merveilleuse. En montrant son insigne avec priorité absolue, Landry arrive à passer le cordon policier. Il est soudain pris par l'effet hypnotique. Les inconnus surgissent et les attaquent. Hannigan est, cependant, plus fort qu'eux et parvient à faire 5 prisonniers. Landry et Hannigan les interrogent, mais n'en tirent rien. De son côté, Merkent informe Atlan qui déploie une flotte pour faire le blocus du Tic sans prévenir Rodden Cardiff. Kalal n'arrive plus à enlever l'activateur qui s'est logé dans la région du cœur et assume maintenant une partie des fonctions circulatoires. Il tente de partir du temple, mais devant la multitude de gens fascinés se ruant sur lui, il est obligé de retourner auprès des Antilles, immunisé aux effets hypnotiques. Il est alors convoqué devant une assemblée suprême qui lui reproche de placer ses intérêts personnels en premier, les Antilles n'appréciant pas la foule qui se masse devant le temple. Il décide de tuer Kalal. Il doit l'être par l'influx mental concentré de 10 prêtres. Il résiste et, l'activateur le renforçant, tue les 10 prêtres par un choc en retour. Il prend la fuite. Après plusieurs affrontements avec des Antilles, il tue les prêtres générant le champ protecteur autour du temple. Randall prend contact avec un trafiquant de liquitive en mèche avec les Antilles pour qu'il l'amène en secret dans le temple de Baalol. En route, Randall récupère ses compagnons malgré les réticences du trafiquant. Ils se rendent d'abord dans les locaux d'une entreprise de transport reliée au temple par un tunnel. Les terriens mettent des résilles pour se protéger des influx mentaux. Ils finissent par tomber sur Kalal, qu'ils blessent en utilisant simultanément un radiant et une arme à projectiles. Kalal, blessé, fuit à la surface en direction des montagnes, suivi par les terriens. Après avoir heurté une paroi rocheuse, il est finalement tué par Mitch Hannigan. Le fascicule allemand numéro 114, L'appel de l'éternité, écrit par Kurt Brand en 1963, fut adapté en première partie du volume français numéro 50, Les dieux oubliés, paru chez Fleuve Noir en 1980. Reginald Bull apprend qu'à compter du 25 août 2103, Thomas Cardiff, Perry Rodden, retirera tous les terriens mis à disposition de l'Empire Harkonide. Il en discute avec Alan D. Merkent, les deux hommes n'arrivant plus à comprendre le Stellark. Une telle mesure va affaiblir Atlan. D'un commun accord, les membres de l'état-major décident de retarder l'application de ces ordres. La défense solaire est chargée de surveiller les bases Harkonides et même la milice des mutants est déployée dans le Grand Empire. Une flotte importante part à destination de M13. Cardiff Rodden perçoit sans arrêt une voix mentale lui disant que, s'il n'enlève pas l'activateur cellulaire, il deviendra bien trop grand et trop fort. Cette voix ne peut provenir que d'un immortel, mais il l'ignore. Il veut innocenter Brazo Alker et Stalan Olinov, leur accusation l'impliquant de trop près. Un micro-émetteur est bientôt retrouvé dans la corvette D-109, ce qui innocente les deux hommes. Cardiff Rodden est appelé par Atlan, mais le ton monte et les deux hommes se fâchent. La seule solution qui reste à Atlan consiste à conclure une alliance avec les Aconides. Il envoie une proposition à Drora. Le conseil de régence des Aconides accepte, mais veut, en échange, 1000 croiseurs ultramodernes et que des Aconides soient nommés à des postes clés. Atlan accepte de livrer les vaisseaux. Quand Atlan apprend que 28 000 vaisseaux terriens se déploient dans M13, il appelle Bull, qui avoue son impuissance. 50 jours après avoir reçu son activateur cellulaire, Cardiff Rodden reçoit un appel mental de l'immortel et ressent une douleur atroce. On découvre alors qu'il porte un activateur cellulaire. Celui-ci s'est à moitié incrusté dans la cage thoracique et des terminaisons neurales sont en contact biologique avec ses nerfs. Quand Cardiff Rodden se réveille de sa crise, il découvre qu'il a pris du poids et la situation empire au fil des jours. Inquiet que leur planète Trakara soit localisée, les Antilles décident de laisser s'évader Alker et Nolinov en leur faisant croire que la planète Saos est Trakara. Une attaque des francs-passeurs sur la planète est simulée, mais durant leur fuite, les deux terriens interceptent une communication prouvant la duplicité des Antilles. Ils s'emparent d'une chaloupe de sauvetage et sont récupérés par un vaisseau terrien. Cardiff Rodden, qu'on sait maintenant souffrir d'une scission cellulaire explosive, a encore pris du poids. Il décide de partir brusquement pour Saos avec une escadre. Le fascicule allemand numéro 115, « L'Empereur et le Monstre », écrit par William Voltz en 1963, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 50, « Les Dieux oubliés », paru chez Fleuve Noir en 1980. Le 2 septembre 2103, le Duc de Fer et une escadre terrienne de 4000 vaisseaux arrivent dans le système de la planète Saos. Cardiff Rodden, dont l'aspect physique a encore empiré, veut que les Antilles le soignent. Il se montre de plus en plus insupportable. En plein cœur du Grand Empire, un croiseur léger arraisonne un vaisseau franc-passeur en toute illégalité. Son capitaine en informe aussitôt Harkonis. Atlan, qui reçoit alors le général Ater Tosef, un des rares officiers harkonides valables, en est informé, ainsi que de l'attaque de Saos par les unités terriennes. C'est le grand prêtre Kutlos qui l'a appelé en personne pour le forcer à agir. Il décide d'envoyer 10 000 unités robots qui l'accompagnent, ainsi que Tosef. Cardiff Rodden, qui a pris encore du poids, arrive sur le poste central du Duc de Fer et ordonne l'attaque immédiate de Saos. Bull et Merkent appellent Atlan à l'insu de Cardiff Rodden, dont le visage est maintenant une masse de chair informe. Atlan accepte de retirer ses nefs, qui forment toutefois un blocus autour de Saos. Tandis que Cardiff Rodden envoie 10 croiseurs attaquer Saos, Bull organise une opération de son côté. Une chaloupe dépose un commando, dirigé par Brazo Alker, à la surface. Ses hommes tombent sur Kotlos, qui meurt sans révéler la position de Trekara. Par chance, il trouve ensuite les francs-passeurs, à qui Alker et Nolinov avaient volé une chaloupe lors de leur évasion, et obtiennent d'eux une description de Trekara et de son soleil, Aptut. Kerzif Rodden, de son côté, n'a rien obtenu après avoir rasé la base des Antilles. De retour sur le Duc de Fer, il est appelé par Atlan, qui se montre choqué par son apparence. Kerzif Rodden l'injurie, mais Atlan décide de tout faire pour sauver celui qu'il considère comme son ami. Le fascicule Almon numéro 116, Duel sous le double soleil, écrit par Kohashir en 1963, fut adapté en première partie du volume français numéro 51, L'aventure Aconide, paru chez Fleuve Noir en 1980. Le 20 octobre 2103, Atlan se rend à un rendez-vous secret avec l'état-major de l'Empire solaire sur Saros à l'insu de Perry Rodden. Il les informe alors qu'il a dû livrer 1000 croiseurs aux Aconides. Thomas Kerzif Rodden est devenu un véritable tyran, se livrant à des arrestations arbitraires. Reginald Bull et ses compagnons veulent placer le Stellark sous tutelle. À leur surprise, Atlan est parvenu à se procurer les coordonnées de Trekara en faisant appel aux Aconides. Quand Atlan revient sur son navire, il est appelé par Kerzif Rodden et est frappé par l'étendue de la déchéance physique et mentale de celui qu'il prend toujours pour son ami. Le 23 octobre, les flottes terriennes et Arcanides se rassemblent près d'Aptut. La flotte Arcanide se compose de 9 robots, dont Atlan est le seul être organique. Le chasseur, dépêché par Rodden, amène Atlan à bord du Duc de Fer. Kerzif Rodden est maintenant un monstre de 2,38 m de haut. Il se montre très arrogant envers Atlan et, dès leur rencontre, fait allusion au combat entre Rodden et Atlan sur Vénus en 2040. Sa description du combat ne correspond pas exactement au souvenir d'Atlan, ce qui éveille ses soupçons. Les deux flottes plongent pour attaquer Trekara et se disposent de façon à entourer complètement la planète. En affirmant vouloir récupérer Thomas Kerzif à la surface, Atlan entraîne la colère de Kerzif Rodden, qui finit par se calmer. Atlan chante alors une comptine qui avait joué un rôle important dans le conflit entre lui et Rodden sur Denfer. Kerzif Rodden ne comprend pas de quoi il s'agit. Atlan se fait ensuite expliquer par Bull les conditions exactes de la libération de Rodden se recalent. Ayant enfin compris qui est Kerzif Rodden, il va le confronter dans sa propre cabine. Là, Atlan révèle à Kerzif Rodden qu'il l'a percé à jour, mais il est paralysé. Alors que l'attaque de Trekara commence, Kerzif Rodden déclare la loi martiale, se montre violent, mais au moment où il tente de tuer Atlan, l'émir intervient et l'en empêche. Kerzif Rodden s'enfuit alors que retentit un rire énorme. Atlan parvient à surmonter les effets de la paralysie et révèle que l'homme est Thomas Kerzif. Kerzif fuit à bord d'une corvette, pourchassé bientôt par une gazelle, avec Atlan, l'émir et Brazo Alker à bord. La gazelle est abattue et les passagers obligés de s'éjecter. Laissant sur place Alker, blessé, l'émir et Atlan progressent vers la ville. Au milieu des combats, ils parviennent au cœur de la cité et assistent à un entretien entre Kerzif et des Antilles. Le fils de Rodden exige qu'on lui enlève son activateur cellulaire et qu'on lui remette un des 20 autres. En suivant Kerzif, Atlan et le nouveau castor retrouvent enfin le véritable Perry Rodden. Après qu'Atlan a conclu un accord avec le grand Baalol, l'activateur cellulaire s'arrache au corps de Thomas Kerzif, qui meurt ainsi, et se fixe sur la poitrine de Rodden. Le corps de Cardiff est livré à l'espace. Puis, le duc de fer repart pour ramener Atlan sur Arconis. Le fascicule allemand numéro 117, La flotte volée, écrit par Clark Dalton en 1963, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 51, L'aventure Aconide, paru chez Fleuve Noir en 1980. Le 10 novembre 2103, Rodden et Atlan se rencontrent et mettent au point un plan pour reprendre les 1000 astronefs livrés aux Aconides sans causer de complications politiques. Le croiseur de bataille Odin amène Rodden, des mutants et des spécialistes dans le système bleu. L'écran entourant le système a disparu, mais Drora est maintenant entouré d'un tel écran, rendant impossible à des vaisseaux à propulsion linéaire de le franchir sans s'écraser au sol. Perry Rodden est tout de suite convié à une réception officielle où il retrouve la belle Oris de l'Astor. L'année suivante, l'émir et Wuryusengu partent en repérage auprès des 1000 croiseurs. Le lendemain, Oris et deux Aconides viennent discuter du traité Terre-Aconis avec Rodden, lequel est attiré par la belle Aconide. Le téléporteur et les spécialistes entreprennent alors d'installer, un par un, les micro-connecteurs nécessaires à la reprise sous contrôle des croiseurs. Après trois nuits où tout se passe bien, l'émir est obligé d'intervenir pour venir en aide à un des spécialistes. Il est contraint de neutraliser deux gardes. Les soupçons se portent immédiatement sur les terriens et l'écran bleu, protégeant la planète, coupé durant la présence de Rodden, est rétabli. Quand Oris revient demander des explications, Rodden feint de ne pas être au courant. En menaçant de faire intervenir la flotte terrienne et en simulant une discussion animée avec Atlan, il obtient du conseil de régence que les terriens aient le champ libre. Sept Cargo et l'Odin se posent sur Sphinx et Rodden et son équipe quittent les lieux. L'impulsion est alors envoyée, les croiseurs décollent et vont se jeter dans un soleil bleu qui se transforme en nova. Les Aconides soupçonnent bien Rodden, mais ils ne disposent d'aucune preuve. Et pour quelle raison aurait-il ainsi détruit 1000 navires? Ils essaient d'obtenir 1000 autres navires d'Atlan, mais celui-ci refuse. Les Terriens trouvent un allié involontaire en un technicien Aconide, resté à bord de l'un des croiseurs, volé et récupéré par les Arconides avant leur destruction. Muni d'un hypnobloc, il est renvoyé dans le système bleu, confirmant bien l'erreur technique à l'origine de la disparition des navires. Le fascicule allemand numéro 118, Le Sergent Robot, écrit par Cottemar en 1963, fut adapté en première partie du volume français numéro 52, Mannes éphémères, paru chez Fleuve Noir en 1981. Un cargo se pose sur la planète Asgola, à 37 000 années-lumière de la Terre. À sa grande surprise, l'équipage ne trouve aucune trace de ses habitants. Il découvre, par contre, une étrange créature, ressemblant à un colossal lamantin échoué. La section 3 intervient pour comprendre ce qui s'est passé. Le colonel Nicky Quinto suspecte l'influence de l'un des activateurs cellulaires obtenus par les Antilles. Le cargo Victory et le croiseur de bataille Vondar se rendent dans le système d'Asgo. Tandis que le Vondar demeure en orbite, le Victory se pose. Les agents Mitch Hannigan, Lofty Patterson, Ron Landry et Larry Randall sortent pour obtenir des informations. Le sol est envahi par une espèce inconnue de lichen. Ils trouvent aussi une chose informe, spongieuse et boursouflée, qui se révèle être un asgonien. Celui-ci leur indique une tour où ils se rendent. Elle est déserte, mais ils croient apercevoir un visage. Il s'agit en fait d'un Asganier, Baladur, qui, bien que gros, est encore capable de parler et de se déplacer. Il raconte ce qui s'est passé. Un peu plus de 2 mois plus tôt, 2 vaisseaux inconnus sont apparus sur la planète. Après leur départ, les Asganiers se sont rendus compte qu'ils n'éprouvaient plus de faim et ils sont devenus peu à peu gras et informes. Seul Baladur n'a pas été trop affecté, vivant dans un bureau bien protégé de l'air ambiant. Il est maintenant certain que l'air véhicule une substance nutritive. Plusieurs glisseurs armés les attaquent et le Victory est aussi assailli. Landry ordonne au Victory de se rendre en orbite. Les assaillants sont des trempasseurs. Les 2 vaisseaux terriens tentent de se poser, mais ils sont contraints de reprendre l'espace. Les agents de la section 3, à l'exception de Mitch Hannigan, sont capturés et emmenés dans la base des francs-passeurs où ils sont soumis à des psycho-interrogatoires. Ron Landry parvient à se libérer et, en menaçant les francs-passeurs, obtient aussi la libération de ses compagnons. Par contre, Baladur est mort durant sa captivité. Un des francs-passeurs reproche à leur chef d'avoir laissé mourir l'Autochtone. Mitch Hannigan intervient alors et, durant l'affrontement, le chef est tué. Il est finalement déterminé que l'air contient des spores qui produisent la mousse fongoïde que l'on retrouve partout sur Asgola. Elles contiennent des éléments hypercaloriques qui passent, par inhalation, à l'intérieur de l'organisme. La mousse, baptisée l'hypofongus, génère ensuite, à son tour, ses spores d'origine extraplanétaire. Toute la population d'Asgola est évacuée en attendant qu'une solution soit trouvée. La planète Snarfot est envahie également par le lipofongus. Des mutants s'introduisent dans le navire Summer qui a répandu ses spores. Le navire envoie un appel de détresse. En le suivant, les terriens découvrent la planète Mechanica, patrie des sauriens disparus, qui ensemençaient des planètes pour assurer leur survie. La planète est couverte de gigantesques installations robotiques. Le fascicule allemand numéro 119, Les semences de la destruction, écrit par William Volz en 1963, ne fut pas traduit en français. Un vaisseau cylindrique de 100 mètres de long émerge de l'hyperespace à la périphérie de l'année 13 et se dirige vers un petit soleil rouge. Sur Terre, Chester McDowell, à la tête d'un département dans un institut de recherche sur la vie extraterrestre, étudie la plante mystérieuse qui s'est répandue sur Asgola, le lipofungus. Celle-ci répand dans l'air des spores dotées de propriétés hypercaloriques. Perry Rodden a reçu un rapport du régent. Il existerait 3 vaisseaux spatiaux dans la galaxie. Un chargé de trouver des mondes adéquats, un navire semeur et une nef moissonneuse. Le vaisseau éclaireur, arrivé dans le système du Soleil rouge, scrute la 2e planète, puis émet des signaux. Ceux-ci sont détectés par un croiseur lourd qui en informe la Terre. Le navire Summer finit par réagir aux signaux du vaisseau éclaireur malgré des perturbations internes dues à ses 3 commandants robots. Le duc de fer décolle aussitôt, emmenant McDowell, et rallie le système de Snarf à 33 486 années-lumière de la Terre. 3 chasseurs quittent la nef amirale et se posent sur la planète Snarfot. Des milliers de robots s'échappent du navire Summer et commencent à répandre leurs graines sur la planète. Snarfot est peu à peu envahi par les spores. Takokakuta se téléporte à bord du vaisseau éclaireur. Repéré par les robots, il est, une première fois, éjecté dans l'espace et utilise ses pouvoirs pour revenir à bord. Les robots le reprennent, mais cette fois, arrachent son spatiandre. Le vaisseau attaque le duc de fer avec une arme paralysante. Le pilote automatique renvoie la nef amirale au loin, tout son équipage étant inconscient. Rastubai et l'émir, eux, sautent dans le navire sommeur. Leur mission est d'immobiliser l'étrange nef. Sur la planète, McDowell trouve la mort lors d'un banal accident. L'émir parvient finalement à détruire les appareils contrôlant les robots sommeurs qui s'écrasent au sol sur toute la planète. Le duc de fer, dont l'équipage a retrouvé connaissance, revient. Cinq avisos sortent, abordent le vaisseau éclaireur et sauvent Kakuta. Le contact est ensuite établi avec les trois commandants robots du navire sommeur. Il apparaît que les constructeurs des navires entièrement robotisés les ont chargés de répandre le lipofongus pour se procurer de la nourriture, leur planète se refroidissant. Hélas, leur contact a été perdu avec la nef moissonneuse. Des signaux sont toutefois reçus, venant des profondeurs de l'espace. Les éditions de l'avenir vous ont présenté les résumés du cycle 3, des fascicules 110 à 119 des aventures de Perry Rodden, tels que rédigés par Michel Van Rue. Vous pouvez le trouver à rodden.stellark.com. La musique utilisée est de Kevin MacLeod, incompetech.com et Christian Martin. Cet enregistrement est diffusé sous contrat Creative Commons, Share Alike et est une production 2014 des éditions de l'avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.